c'est ce qu'on s'attend, mais s'il y avait seulement un vétéran de retour, il n'y avait pas, c'était pas une équipe là, comme les années passées où on avait des joueurs, là, des futurs grosses vedettes oui. nationales. Il y avait plusieurs bons joueurs, mais c'était pas une puissance le Canada. Fait qu'on a vu, même en match préparatoire, puis la ronde préliminaire, que c'était une équipe qui pouvait être fragile. Puis ben malheureusement, elle a été fragile au mauvais moment, encore la finale contre la Finlande, puis ils l'ont échappé. Est-ce que tu penses que le match de 14-0, ça a changé, ça a faussé les données? Ben non, parce que tu sais, c'est des matchs 14-0 contre le Danemark. Ouais. Écoute, si ça a faussé les données, est-ce que eux autres ils se sont cru meilleurs que ce qu'ils étaient vraiment? Ça, c'est eux autres qui le savent. Là. Je connais plus l'atmosphère. Moi, je dis souvent que la vérité est dans la chambre. Puis on présume quand on est à l'extérieur, on est simu puis on présume. Moi, je sais pas si eux autres ont pensé, bon, grosse victoire comme ça, on est nous aussi une puissance. Ouais, ouais. Ils se sont mis peut-être à se surévaluer. Je ne sais pas. Mais moi, de mon côté, ça ne change rien dans comment je voyais, même si on gagnait 14-0, j'évalue encore comme l'équipe canadienne, comme une très bonne équipe de hockey, mais qui n'était pas une puissance comme ils ont déjà été dans le passé. OK. Dis-moi, si on parlait un peu du match, tu as dit quelque chose de très, très intéressant tantôt. Tu as dit, si on referait le même match, probablement que le Canada gagnerait. Sauf que quelque part, dans un match aussi serré, est-ce que tu sais très bien au hockey, Dominique, tu as assez d'expérience que quand on joue serré, tu peux pas, faut que tu sois très opportunif. Maxime Comtois qui rate le lancer de punition en prolongation. Noah Dobson, juste quelques secondes avant le but vainqueur, manque un but vide et casse son hockey. Ça, dans des circonstances comme ça, il faut que tu gagnes. Ouais, mais moi je vois pas. Tu sais, le hockey, là, c'est un sport que premièrement, t'as un adversaire, ouais. pas tout seul avec toi-même. T'as un adversaire que tu dois battre. Puis le plus important, c'est de mettre en place ta performance, finalement, c'est ce que tu contrôles. Ouais. Tu contrôles pas la performance de l'adversaire, tu contrôles pas justement un bâton brisé, tu contrôles pas des fois un retour, un mauvais rebound de la bande. Ça, tu contrôles pas ça. Moi, ce que je peux dire, effectivement, je jugerai pas Dobson manque d'opportuniste, Comtois manque d'opportuniste sur un tir de punition supplémentaire. Moi, mon opinion là-dedans, c'est qu'il a fait de son mieux, puis le goaler, il a le droit de l'arrêter aussi. Non? Par contre, ce que je peux, par rapport à ce que le Canada contrôlait, puis qu'ils ont peut-être pas fait, selon moi, qui pourrait être second-guessé, disons, qui pourrait, c'est la façon qu'ils ont utilisé l'ensemble de leurs joueurs. Okay. Parce que je reviens encore, depuis le début, on le sait que c'est pas une puissance, on le sait que c'est pas... Tu sais, t'as pas de Connor McDavid dans cette équipe-là, t'as pas de Barzal, t'as pas des Game Changer, des Sidney Crosby, des gars comme ça. Fait que dans un contexte, t'as même pas de Thomas Chabot non plus à la défense, qui était dominant à l'époque à 19 ans. Fait que dans un contexte comme ça, pour te donner une chance de gagner, t'as besoin de tout le monde. On l'a même vu l'an passé... Ils ont gagné en finale à la toute fin avec leur 13e attaquant qui est allé compter un but parce que Dominique Ducharme l'a mis sur la glace avec moins de 3 minutes à jouer. Mais c'est ce que j'ai pas senti du côté canadien. J'ai pas senti qu'ils ont réussi à faire performer tout le monde, à aller chercher la petite étincelle d'un joueur qu'on voyait pas venir, c'était comme toutes les zones dans le même panier, puis on va vivre, on va mourir avec ces joueurs-là. Puis exemple en avantage numérique, c'est pourquoi ne pas tenter autre chose? L'avantage numérique fonctionnait plus ou moins bien, mais on revenait toujours avec les mêmes joueurs, on revenait avec eux. Ça, je te dirais que c'est des choses qu'eux autres contrôlaient, puis ça, c'est le groupe d'entraîneurs, c'est le management, c'est des choses qu'ils contrôlaient pour se donner une meilleure chance, puis ça, c'est peut-être quelque chose qui serait à revoir, selon moi. OK. Dis-moi, comment tu as trouvé l'utilisation d'Alexis Lafrenière? Ben, c'est un peu... Puis je tiens à le mentionner dès le départ, là, je ferai pas mon commentaire en disant que parce que hier, je me suis posé la même question. Ça n'a pas rapport qu'il est québécois, que c'est un anglais, c'est un français. Là. C'est Alexis Lafrenière, le joueur d'équipe Canada. Comme Joe Vlaineau, le joueur d'équipe Canada. Comme je pourrais en nommer d'autres. C'est facile d'aller sur le côté politique, hein? Non, c'est ça. Moi, je veux pas aller là parce que je crois pas à ça. J'ai été impliqué, moi, pendant 3-4 ans dans la sélection, là, avec l'équipe Canada, avec Ryan Yankowski, avec Benoît Groulx, avec. Puis j'ai jamais senti qu'il y en avait contre les Québécois ou quoi que ce soit. Si eux autres, ils veulent gagner, puis ils veulent les meilleurs joueurs. Puis ils n'ont pas peur, d'ailleurs, de souvent de mettre des entraîneurs dans des postes importants. On l'a vu dans les dernières années, avec Dominique Duchamp, Benoît Gros, Joël Bouchard, etc. Fait que, tu sais, j'irai pas là-dedans. Par contre, Alex Lafrenière, comme d'autres joueurs, il faut que tu les fasses performer. Ils ont manqué d'offensive, le Canada, puis il y avait des joueurs offensifs qui auraient pu en donner plus. Il y a des joueurs qui auraient pu peut-être en avoir plus. Ils auraient peut-être pu avoir un plus gros challenge à l'interne, puis avoir un temps de glace qui était réparti différemment ou dans certaines situations, dont en avantage numérique. Parce qu'il y en a eu des situations, là, des opportunités en avantage numérique contre la Finlande, justement, pour prendre les temps 2-0, mais ça a été l'histoire du tournoi que le powerplay s'est cherché tout le long. Peut-être qu'un gars comme Lafrenière aurait pu aider en avantage numérique. Ben, effectivement, même s'il y a 17 ans, tu as parlé de manque de surdoué, ça en était un, là. C'est un joueur très, très talentueux. Ouais. Puis, je suis pas convaincu non plus qu'on l'a mis vraiment en confiance. On dit souvent que la job d'un coach, c'est de mettre son athlète dans le meilleur flow mental. Mais je suis pas sûr que Alex Lafrenière a été mis dans une situation qui pouvait vraiment rayonner puis sortir le meilleur de l'humain. Ouais, comme d'autres aussi. Ben, c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant ce qui se passe. C'est vrai qu'il a affronté une équipe, la Finlande, qui avait connu un bon match. Il avait gagné 5-2 contre le Canada en match en concours. Ben, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue bien. Le système de jeu. Beaucoup de chances de marquer. Oui, ils ont un bon positionnement défensif. Ils sont impliqués, sont engagés. Ils ont un bon gardien de but. Mais c'est pas une équipe qu'eux autres non plus qui ont une grosse attaque et qui sont puissantes offensivement. Je pense contre les Finlandais, le Canada aurait pu gagner avec juste deux buts. Hein. Ouais. Quand tu regardes ça, là, il y avait besoin juste de deux buts. Oui, effectivement. Dominique, si tu permets, on va faire une pause. Il y a la date limite des échanges, puis on attend une transaction évidemment importante chez Saint-Mien. Vous êtes à l'écoute de notre avec Dominique Ricard sur les ondes de DanRadioSport.com. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99 $. Un rabais de 70%. Panneaux solaires de marque Cristallin avec rabais de 330 $. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 85. Joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin Secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuet Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On est de retour avec Dominique Ricard qui a fait un excellent travail à RDS. Vous l'avez connu, vous l'avez peut-être entendu, ses talents de communicateur. Dominique, c'était ça la première fois d'ailleurs que tu faisais l'analyse à RDS? Non, ça fait 5 ans que je le fais. Ah, OK. Déjà 5 ans. OK. Ouais, j'aime ça. C'est différent, j'en ferai pas une carrière parce que... Ouais, c'est ça, c'est différent. J'en ferai pas une carrière parce que j'ai d'autres, J'ai d'autres travails, mais quand il me demande d'y aller, j'aime bien ça. Tu vois ça d'un autre angle, c'est intéressant. Okay. Dominique, on attend une transaction du côté des Saguenayens. Ça devrait être annoncé prochainement. Bon, tout le monde le pense. Noah Dobson, qui est probablement le meilleur joueur meilleur défenseur peut-être de la Ligue de hockey junior du Québec, devrait être échangé. Les Saguenayens devraient retenir quelque chose là-dessus. Est-ce que tu croyais aux rumeurs qui ont été dites avant les fêtes qu'il passerait à Rouyn-Noranda? Ben oui, je suis assez proche de certaines organisations que je croyais. Puis en plus, on fait 1+1. Mario Pouliot, qui est directeur gérant et entraîneur à Rouyn, était son entraîneur à Bathurst l'année passée quand on gagnait la Coupe Memorial. Puis tu sais, définitivement, Copson, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. C'est un gars qui a beaucoup d'impact. Rouyn-Noranda est premier au classement général. Fait que je pense que ça allait de soi. Les Saguenay vont recevoir, est-ce que tu penses qu'ils vont recevoir beaucoup là, cette transaction-là? Ça va être des choix repêchage, mais ça va se transformer en joueur, j'imagine? Je sais pas. On peut spéculer. Je sais pas du tout c'est quoi. On peut spéculer, mais c'est clair qu'ils n'auront pas juste un choix de 5e round. c'est clair. Un joueur comme ça, là, c'est clair que les Saguenay vont pouvoir, à court, moyen puis long terme, profiter de cette transaction-là. Ouais, effectivement. Dominique, un gros, gros, gros merci. Félicitations encore pour ton travail à RDS, puis au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci. Voilà, bye Dominique bye. Ricard, l'ancien directeur général des Voltigeurs de Normandie.